John Manson sur RJM. Il est un peu plus de 8h38, on parle anniversaire. Il sonnait un 1er octobre 1935, naissance de Julie Andrews, actrice britannique connue pour son rôle de Mary Poppins dans le film du même nom, récompensée par l'Oscar de la meilleure actrice. Vue également dans La Mélodie du Bonheur dans le rôle de Maria, dans Victor Victoria dans les rôles de Victor Grazinski et Victoria Grant, et vue également dans Princesse malgré elle et Un mariage de princesse dans le rôle de la reine Clarisse Rinaldi. 1940, naissance de Jean-Luc Bidault, acteur suisse vu dans La fille de D'Artagnan dans le rôle d'Athos, Ripou 3, à la télé dans la série H dans le rôle du professeur Maximilien Strauss, dans Doc Martin, Scène de ménage ou encore Camping Paradis. 1943, naissance de Jean-Jacques Hano, réalisateur, scénariste et producteur français qui a réalisé La Victoire en chantant, récompensé par l'Oscar du meilleur film en langue étrangère, La Guerre du Feu, récompensé par le César du meilleur film et du meilleur réalisateur, Le Nom de la Rose, récompensé par le César du meilleur film étranger, L'Ours, César du meilleur réalisateur, C'est en Tibet, Stalingrad, Deux Frères, scénariste de La Victoire en chantant, Stalingrad et Deux Frères, et producteur de C'est en au Tibet et Deux Frères. 1944, naissance de Jean-Pierre Castaldi, comédien français, vu dans La Boum dans le rôle de Brassac, Promotion Canapé, Ripou contre Ripou dans le rôle de Jean-Pierre Portal, Ma Femme Me Quitte, Astérix Obélix contre César dans le rôle de Caius Bonus, rôle qu'il a d'ailleurs repris dans Astérix Jeux Olympiques, vu également dans Ma Femme S'appelle Maurice, à la télévision dans Commissaire Moulin, Navarro ou encore Scène de ménage, ça va être leur fête. 1947, naissance de Stephen Collins, acteur américain connu pour son rôle du révérend Eric Camden dans la série télé 7 à la maison, vu également dans quelques épisodes de Private Practice dans le rôle du capitaine, le père d'Addison Montgomery, dans Brothers and Sisters, Scandal ou encore la saison 1 de Devious Maze dans le rôle de Philippe Delatour. 1949, naissance d'André Rieu, célèbre violoniste néerlandais. Et on va tout de suite écouter un extrait d'une de ses musiques. Pour la musique d'André Rieu. On continue les anniversaires, on va rester en 1949 avec la naissance de Jean-Claude Skrela, qui fut joueur de rugby à 15 et devenu entraîneur français. Il a fait sa carrière de 1966 à 1983 en jouant au club de US Lille Jourdain, au FC Auxerre-Gers, au Stade Toulousain. Il a fait partie de l'équipe qui a remporté le Grand Chelem lors de l'édition de 1977. Sélectionneur de l'équipe de France de 1995 à 1999, il remporte deux Grands Chelems en 1997 et 98 et termine par une finale de la Coupe du Monde de rugby en 1999. Directeur technique national du rugby français de 2004 à 2014, il occupe le rôle de manager de l'équipe de France de rugby à 7 de 2014 à 2016. 1950, naissance de Jane Manson, chanteuse actrice américaine, vue dans Bon Baiser de Hong Kong ou encore quelques épisodes de la série Sous le Soleil. C'est également l'année de naissance de Randy Quaid, acteur américain, vu dans Independence Day dans le rôle de Russell Case, Le Secret de Brokeback Mountain dans le rôle de Joe Aguirre, dans les téléfilms Cyclone catégorie 6, Le Choc des Tempêtes et Cyclone catégorie 7, Tempête Mondiale dans le rôle de Tornado, Tommy Dixon. 1956, naissance de Theresa May, femme politique britannique, première ministre du Royaume-Uni depuis 2016. Également naissance d'Isabelle Morini-Bosque, journaliste française. 1959, naissance de Youssou N'Dour, chanteur sénégalais. 1965, naissance de Ted King, acteur américain connu pour son rôle d'Andy Trudeau dans la série télé Charmed, vu également dans Jacques, Sex and the City, Hôpital Central dans les rôles de Lorenzo Alcazar et Luis Alcazar, Prison Break, NCIS, Enquête Spéciale ou encore Hawaii 5-0. 1968, naissance de Kezia Jones, chanteur nigérian. 1976, naissance de Mourad Bouguédir, ancien basketteur franco-algérien, ayant fait carrière de 1996 à 2017. Il a joué à Reims, à Golbey, Épinal, c'était du temps de la SGE, à Limoges, à Besançon et à Mulhouse. 1981, naissance de Rupert Friend, acteur britannique vu dans Orgueil et Préjugés dans le rôle de Vikam. En 2009, dans Victoria, les jeunes années d'une reine dans le rôle du prince Albert, ou encore dans la série télé Homeland dans le rôle de Peter Quinn. 1986, naissance de Roxane Mesquida, actrice française, vue dans le film Shetan dans le rôle de Eve et dans plusieurs épisodes de la série Gossip Girl dans le rôle de Béatrice Grimaldi. 1988, naissance de Kariba Ayn, actrice australienne connue pour son rôle de Ricky Chadwick dans la série télé H2O. 1990, naissance d'Anthony Lopez, footballeur portugais évoluant depuis 2012 à l'Olympique Lyonnais. C'est également l'année de naissance de Pedro Mendes, footballeur portugais professionnel depuis 2009, ayant joué au Sporting CP, au Real SC Servette, au Real Madrid, à Parme, à l'US Sassuolo, au Stade Rennais. Depuis 2017, il joue à Montpellier. Et en 1684, décédé Pierre Corneille, célèbre dramaturge français à qui l'on doit Le Cid, L'Illusion Comique ou encore Médée. Allez, petite pause musicale avec Youssou N'Dour et Néné Chéri sur le titre 7 Seconds. Yusundur et Néné Chéri avec le titre 7 Seconds sur le 107 FM. Il est 8h49, tout juste passé de quelques petites secondes. On fait un point sur la météo. La météo. Et alors aujourd'hui, on va passer la journée sous les nuages avec des averses de pluie, des températures qui ont nettement chuté hein, par rapport au jour dernier. Ce matin, elles sont comprises entre 8 et 9 degrés et cet après-midi, seulement entre 11 et 12 degrés. Pour mardi, ce sera déjà le retour des éclaircies, des températures comprises entre 3 et 4 degrés le matin, entre 11 et 12 degrés l'après-midi. Mercredi, journée ensoleillée, des températures comprises entre 8 et 9 degrés le matin, entre 13 et 14 degrés l'après-midi. Après-midi. Voilà pour la météo. On fait maintenant un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. On commence avec le football et les résultats de la Ligue 1. Saint-Etienne s'est imposé 2-0 face à Monaco. Le Paris Saint-Germain s'est imposé 3-0 sur la pelouse de Nice. Guingamp s'est imposé 1-0 à Angers. Caen s'est imposé 1-0 face à Amiens. Lyon et Nantes ont fait match nul 1-0. Reims et Bordeaux match nul 0-0. Strasbourg s'est imposé 3-0 face à Dijon. Rennes et Toulouse ont fait match nul 1-0. Montpellier s'est imposé 3-0 face à Nîmes. Et enfin hier soir, Lille s'est imposé 3-0 face à Marseille. En Ligue 2, Nancy a fait match nul 0-0 face à Sochaux et Metz s'est incliné 1-0 face à Le Havre. Au quatrième tour de la Coupe de France, ça passe pour Épinal 2-0 face à Mirecourt. Également pour Raon-l'Étape 3-1 face à Vendeuvre. Et Thaon-les-Vosges s'est qualifié 5-0 à Rombas. Un mot de basket féminin tout d'abord avec les championnats du monde et l'équipe de France termine à la 5e place de ces championnats. Et du côté de chez nous, en National 1, le Jet Vosges s'est incliné à Charleville 85-79. Et en National 3, Mirecourt s'est imposé à Saint-André-les-Vergers 63-69. Un mot de handball féminin avec les matchs de la Golden League. L'équipe de France a fait match nul face à la Norvège 22-22 et s'est incliné hier face à la Pologne 16-22. Un mot de golf avec la fameuse Ryder Cup et c'est l'Europe qui s'est imposée face aux États-Unis. Un mot de Formule 1 avec le Grand Prix de Russie qui a été remporté par Hamilton devant Bottas et Vettel. Esteban Ocon se classe 9e, Romain Grosjean 11e. Un mot de cyclisme maintenant avec le championnat du monde qui a été remporté hier par Valverde pardon, qui s'est vu remettre sa médaille par Peter Sagan. 2e, Romain Bardet. 8e, Julien Alaphilippe et 9e, Thibaut Pinot. Un mot de hockey sur glace avec la Détroit. Le premier match à Épinal hein, pour le HC face à Damary Lélis. C'est soldé par la victoire 15-2 d'Épinal devant 1500 spectateurs pour un premier match à domicile et pour un match de Détroit. C'est absolument phénoménal. Espérons que ça suive hein, durant toute cette saison. Prochain match pour Épinal, ce sera en Coupe de France samedi à Dijon et le 13 octobre prochain de retour à Poissompré. On termine avec le tennis et aujourd'hui à Tokyo, Manarino s'est incliné en 2-7 face à Raonic, 6-3, 6-4 et Benoît Paire, lui, s'est qualifié face à Jarry, 6-4, 7-6. Voilà pour les résultats sportifs. On va maintenant marquer notre dernière pause musicale avec Kezia Jones et le titre Rhythm is Love. If I try to take you there, would you come with me? Reason flies, fear is scared, ocean of the sea. If I try to take you there, would you come with me? Reason flies, fear is scared, ocean of the sea. Say, ocean of the sea. Say, ocean of the sea. Rhythm is love. Heaven is just another word for the feeling called musical. Hey, yeah.